بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد رأينا بالأمس أو قرأنا بالأمس حديث سهل بن سعد السعيدي رحمه رضي الله عنه. On a parlé hier, on a récité le hadith de Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi rahimahu radiyallahu anhu. Wa nu'idu qira'atahu, on va répéter, donc on va répéter la lecture du hadith. Donc Sahl qui dit ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qama fa kabbara wa kabbara an-nas wara'ahu. J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se lever et faire le takbir. Et les gens ont fait le takbir derrière lui, wa huwa ala al-minbar, alors qu'il était sur le minbar. Il a fait le takbir, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était sur le minbar. Il n'était pas au sol. Thumma raja'a fa nazala al-qahqara hatta sajada fi asli al-minbar. Ensuite, il est revenu en marche arrière et il s'est prosterné au pied du minbar. Et ensuite il est revenu, c'est-à-dire qu'il est remonté sur le minbar, et il a fait la même chose jusqu'à ce qu'il ait fini toute sa prière. Et ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retourné vers les gens et il leur a dit: ô homme, certes, j'ai fait cela afin que vous puissiez me suivre et afin que vous sachiez comment est ma prière. Wa fi hadha al-hadith mas'alatun dhakarnaha sabiqan wa hiya jawaz at-taharruk fi as-salati lil-haja. Il y a dans ce hadith un sujet qu'on a déjà abordé, c'est la permission de faire des mouvements durant la prière lorsque besoin est. Et que ces œuvres, ces actes qui vont être accomplis ne vont pas rendre la prière caduque. Et certes, les actions, le fait de beaucoup bouger durant la prière sans utilité, alors les savants l'ont cité comme les annulatifs de la prière, les éléments qui vont rendre la prière caduque. Les savants, ils ont cité des exemples. Ils ont dit comme celui qui, pendant la prière, il va beaucoup bouger sa montre, etc. Ils ont cité ça. Aussi, certains savants l'ont cité comme faisant partie des éléments qui annulent la prière, car il n'y a pas d'utilité, donc, à ce que la personne, elle joue avec sa montre pendant la salat. وَتَكَلَّمَ الْعُلَمَا أَيْضًا في كون الإمام يصلي في مكان مرتفع أي أرفع من المأمومين. Les savants, ils ont aussi abordé le fait que l'imam, il prie à un endroit qui est élevé, surélevé, c'est-à-dire un endroit qui est au-dessus de l'endroit où prie, un niveau qui est au-dessus du niveau où vont prier les suiveurs, ceux qui prient derrière l'imam. Est-ce que cela est permis ou pas? فذهب الجمهور إلى كراهية صلاة الإمام في مكان أرفع من المأموم. Et donc la majorité des savants, ils voient que donc il est détestable à l'individu, à l'imam, de prier à un endroit qui est donc surélevé par rapport à l'endroit où prient les suiveurs. مستدلين بما أخرجه أبو داود أن حذيفة أما الناس على مكان مرتفع فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى ذكرت حين مددتني. Les savants qui voient qu'il est détestable que l'imam il prie à un endroit surélevé, ils se sont basés sur un hadith qui est dans le recueil, dans le Sunan de Abi Daoud, qui cite que Hudhayfa, il a prié un jour, il dirigeait la prière et il était sur un endroit qui était élevé. Il était plus élevé que les ma'moumines, ceux qui priaient derrière lui. Alors Abu Mas'ud, il l'a tiré, il a attrapé son camis et il l'a tiré. Et lorsqu'il a fini sa prière, alors Abu Mas'ud, il lui a dit, « Ne savais-tu pas qu'il leur était interdit de faire cela ?» Il leur a été interdit de faire cela. Qui leur a été interdit aux compagnons? Qui leur a interdit? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ne sais-tu pas qu'il leur a été interdit de faire cela? Il a dit, oui, je me suis rappelé lorsque tu m'as tiré. Je me suis rappelé lorsque tu m'as tiré. Et donc, ils ont dit, on comprend ce hadith-là, qu'il est détestable de prier, que l'imam prie à un endroit qui est surélevé. وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى الْجَوَازِ بِقَصْدِ التَّعْلِيمِ L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il voit que cela est permis si l'imam il a l'intention d'enseigner aux gens. Mustadillan bi hadith al-bab. Al-Shafi'i, rahimahullah, il s'est appuyé sur le hadith qu'on a vu aujourd'hui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a prié sur le mimbar et ensuite qui a dit aux compagnons, « Ayyuhan nas, j'ai fait cela pour que vous priez, pour que vous puissiez me suivre et pour que vous connaissiez comment ma prière. » Et donc, il leur a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam. فَهَذَا الْقَوْلُ هُوَا الْرَاجِحُ إِنْشَاللَّهُ تَعَالَ. Et donc, cet avis, l'avis de l'imam al-Shafi'i, c'est l'avis le plus juste dans ce sujet. إِنْشَاللَّهُ تَعَالَ. وَكَذَلِكَ تَكَلَّمَ الْعُلَمَا فِي الْعَكْسِ. Et aussi, les savants, ils ont abordé l'inverse. أن المأموم يصلي في مكان مرتفع. Que le suiveur, il va prier à un endroit qui est surélevé par rapport à l'endroit où l'imam il prie. Est-ce que c'est permis? Exemple. On ouvre le Jumu'ah. On dit que pour les hommes. Les hommes, ils viennent. La première salle ici, elle est pleine. D'accord? On dit, ah, il y a une salle en haut. C'est pour les femmes. Mais non, c'est que pour les hommes, toute la mosquée. Et donc, on fait monter les hommes en haut. On a l'imam qui va prier ici, et il y a des hommes en haut. Il y a juz ou pas? Est-ce que c'est permis? Ikhtalafa al-ulama fi hadha, fa dhahaba ta'ifatun ila al-kiraha. Et donc, certains savants, un petit groupe de savants, ils voient qu'il est détestable de faire cela. Pourquoi? Li'anna fihi istighfafan lil-imam. Ils disent qu'il y a en cela le fait de rabaisser, de dévaloriser un peu l'imam. Le fait que des gens vont prier au-dessus de lui. وَقَالَ أَخَرُونَ لَيْسَ فِي هَذَا بَأْسٍ. Ils ont dit d'autres, il n'y a pas de mal en ça. لَيْسَ هُنَكْ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ هَذَا فِيهِ كَرَهِيَ. Ils ont dit, il n'y a pas de preuve qu'il y a, que cet acte est blâmable et que cet acte est détestable. Il n'y a pas de preuve en cela. بَلْ الْحَاجَةُ مَوْجُودَ. Au contraire, on en a besoin. On en a besoin, c'est utile pour que tout le monde puisse prier, donc au même endroit. Il n'y a donc aucun blâme à cela, il n'y a pas de preuve montrant le contraire. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. Aussi l'auteur, il nous dit, selon Ibn Umar radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui vient au Jumu'ah, alors qu'il fasse le roussl, la douche, alors qu'il fasse le roussl, هذا الحديث استدل به الظاهرية على أن غسل الجمعة واجب. Al-Zahiriya, ils se sont basés sur ce hadith pour dire que la douche du vendredi est obligatoire. وَاسْتَدَلُّ أَيْضًا بِمَا أَخْرَجَهُ شَيْخًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ. Ils se sont aussi appuyés sur le hadith cité par Sheikhan al-Bukhari et Muslim, selon Abi Sa'id, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, selon Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La douche du vendredi est obligatoire à tout pubère. La douche du vendredi est obligatoire à tout pubère. قالوا ظاهر هذه النصوص وجوب الغسل يوم الجمعة. Ils ont dit, ce qui est apparent de ces textes qu'on vient de voir, c'est que la douche, elle est obligatoire le vendredi. Ce qui est apparent de ces textes-là. وحمل الجمهور هذه النصوص على الاستحباب. Tandis que la majorité, c'est-à-dire l'imam al-arba'a, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, eux, ils voient que ce qu'on comprend de ces textes-là, c'est que le rousl, la douche du vendredi, elle est mustahaba, elle est recommandée, elle n'est pas obligatoire. Qalu amma qalu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rousl al-jum'ati wajibun فليس المراد هو الوجوب الشرعي إنما المراد التأكيد. Ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit la prière du vendredi est obligatoire, ça c'est en français. En français on aurait pu dire la prière du vendredi est impérative. Il dit, ce qui est voulu par là, ce n'est pas l'obligation législative, c'est le fait d'appuyer la parole. كَقَوْلِ الْقَائِلِ إِكْرَامُكَ عَلَيَّ وَاجِبُ. Comme la personne qui dit à son frère, le fait de t'honorer est pour moi une obligation. C'est pour moi impératif. Ça ne veut pas dire que c'est une obligation dans la religion, mais ça veut dire que vraiment je vais le faire, je vais t'honorer. Vraiment je vais t'honorer. أَوْ يَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أُكْفِرَ مِنَ الدُّعَى. Il m'est obligatoire d'insister dans l'invocation. Il ne veut pas dire par là que c'est une obligation dans la religion. Il veut dire par là le fait d'appuyer cet acte, d'appuyer sa parole, le fait d'insister dans l'invocation. Qu'est-ce qui a poussé les savants, Al-Jumhur, à interpréter ces hadiths-là de cette façon? Ahadith okhra. D'autres hadiths qui vont montrer que c'est mustahab, que c'est recommandé. Que c'est recommandé. ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. L'imam muslim a cité dans son recueil, selon Abi Hurairata radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait ses ablutions et qui les fait correctement, puis va au Jumu'ah, écoute et se tait, alors il lui est pardonné tout ce qu'il y a entre ce moment et le vendredi. C'est-à-dire, d'un vendredi à un autre. Il lui est pardonné. Et 3 jours de plus. Certains savants, ils ont dit, c'est là qu'on a, donc, d'un vendredi à un autre, on a 7 jours, plus 3 jours, ça fait 10. El hasanatu bi'ashri amthaliha. Et donc, la récompense qui est multipliée par 10. Et donc, les 7 jours, plus 3 jours en plus, lui sont pardonnés. Et celui qui a touché la pierre, qui joue avec les pierres, alors celui-ci, il a fait quelque chose de vain, de caduque, quelque chose d'inutile. Comme on a parfois, certains vont jouer avec la moquette pendant la khutbah, etc. Et donc ça, c'est pour montrer le fait qu'il est important de rester concentré pendant la khutbah du vendredi. Mais on comprend de ce texte-là que le rousse n'est pas obligatoire. Parce que le prophète, il a dit, celui qui fait ses ablutions et qui les fait bien, qui les fait correctement. Il n'a pas cité le rousl. وَكَذَلِكَ اسْتَدَلُّ أَيْضًا بِمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِي عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُمْدُوبِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ إِغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلْ حَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ بِمَجْمُوعِ تُرُوْقِهِ. Ils se sont aussi appuyés sur un hadith qu'a cité Tirmidhi dans son Jami' selon Samurah ibn Jundub, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait ses ablutions le jour du vendredi, alors il a fait ce qu'il devait faire, fait biha. Il a fait ce qu'il devait faire. Wa ni'mat, et cela est bien. Il a fait ce qu'il devait faire et c'est bien. Mais celui qui fait le rousle, alors cela est mieux. Cela est mieux. Et donc on comprend dans ce hadith que le rousle n'est pas obligatoire. C'est mieux, c'est recommandé. Wastadalla at-tarafan bima akhrajahu shaykhan. Ensuite, le dernier texte qu'on va citer inchallah ta'ala avant donc de vous laisser pour la prière, c'est un texte sur lequel les deux groupes se disputent. Les deux, ils s'appuient sur ce texte-là. Akhrajahu shaykhan, Al-Bukhari et Muslim ont cité donc ce texte, ce hadith. أن عمر رضي الله عنه كان يخطب يوم الجمعة. عمر il faisait la khutba le jour du vendredi. فتأخر عثمان. Alors Othman il est arrivé en retard dans la mosquée. Il est arrivé en retard. فقال عمر أية ساعة هذه. Quelle heure est-il? À quelle heure tu arrives? Pourquoi est-ce que tu arrives en retard? فقال عثمان شغلت فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَىٰ أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ. Il dit, Othman, j'ai été occupé. Et je ne suis retourné chez moi qu'à lorsque j'ai entendu le adhan. Le adhan qu'on fait juste avant de commencer, la khutba. Je suis retourné chez moi qu'à lorsque j'ai entendu le adhan. فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّحْتُ. Alors je n'ai rien ajouté au fait que j'ai juste fait mes ablutions et je suis venu. Alors Omar, il lui dit, والوضوء ما انك تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. Et en plus de ça, en plus d'être en retard, tu n'as fait que tes ablutions alors que tu sais très bien que le prophète صلى الله عليه وسلم ordonnait de faire le ghusl. الظاهري elles disent, regardez, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que Omar انكر عليه كونه تَوَدَّعَ فَقَتْ. C'est obligatoire parce que Omar, il lui a reproché le fait qu'il a juste fait ses ablutions. Il n'a pas fait son rousle. Omar, il lui a reproché. Les autres, ils ont dit là. Ils ont dit là. أَنْكَرَ عَلَيْهِ كَوْنَهُ تَرَكَ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ مَا أَنَّهُ مِنَ السَّابِقِينَ. Ils ont dit, Omar, il l'a blâmé parce qu'il a quitté cette, il a délaissé cet acte méritoire alors qu'il fait partie des premiers, السَّابِقُونَ. Les premiers qui se sont convertis à l'islam, ceux qui ont combattu, ceux qui ont fait, pourquoi est-ce que tu délaisses cela? Ils ont dit, voilà, aucun el rousl wajiban li amarahu Omar an yarji'a ila baytihi li yartasil. Ils ont dit, si le rousl il était obligatoire, Omar, il lui aurait ordonné de retourner chez lui pour prendre sa douche, pour faire son rousl. Wa kadhalika qalu hadhihi al-qissa hasalat amama majmu'in min as-sahaba. Cette histoire elle s'est produite en présence de beaucoup de compagnons. وَهُمْ حَضَرُوا وَلَمْ يَأْمُرْ أَحَدٌ عُثْمَانَ بِالرُّجُوعِ لِلْغُسْلِ. Et aucun des compagnons n'a ordonné à Uthman de retourner chez lui pour faire son rousl et revenir. Et donc, conclusion, le rousl n'est pas obligatoire, inshallah ta'ala, c'est la vie le plus juste. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite, il est capable de toutes choses. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.